De qui parlerez-vous demain? C'est la chance au coureur. Bonjour et bienvenue à La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à ses coups depuis les 7 derniers jours. Mon nom est Mathieu Plante, avec vous pour 3 heures de découverte de nouveautés comme ça. Ça va être super le fun, comme à chaque semaine. Et on a reçu du côté francophone cette semaine Jocelyn Bérubé avec le retour de Neil. Mais avant, on commence par le seul et unique autre album francophone alternatif. Voici Santa Zone avec de leur album Trafic Intense, la pièce 3 petits points à La Chance au coureur. Sam Tazone à la chance au coureur. On vient d'entendre un extrait de l'album Trafic Intense. La pièce se nomme Trois petits points. On va entendre une deuxième pièce dans quelques secondes, mais avant, parlons un petit peu de Sam Tazone. Donc, c'est leur premier album live du groupe de chansons rock Semtazone. Ils nous écrivent, et je cite, « Le groupe existe depuis 2003 sous sa forme actuelle et au travers de plus de 450 concerts en France et à l'étranger et de deux albums studio autoproduits. Il a su se forger une identité musicale propre loin des clichés de la nouvelle scène française si médiatisée. Chez Semtazone, la chanson et le rock font bon ménage, comme nous aimons à le dire, et comme vous pourrez le constater sur ce live enregistré à l'automne dernier. Semtazone se produira au Québec en novembre 2007, notamment au Festival Coup de cœur francophone à Montréal. Pour plus de renseignements sur Semtazone et leur album Trafic Intense, allez voir le stz.biz ou encore le myspace.com/Semtazone, S-E-M-T-A-Zone. Voilà donc, l'album encore une fois s'appelle Trafic Intense. On va l'entendre une deuxième pièce tout de suite. Voici les escargots et on revient après à la chance. La route est longue. Au courant. Leur coquille lourde. Deux escargots sont seuls. Sous les nuages noirs, la lune a disparu. Ils s'en vont, fuyards, dans la forêt de ces bruits inconnus. Elle gronde, gronde. Hélas, la pluie sèche la tombe, le vent est violent et les feuilles mortes. Ah, les gens vont faire du chemin. Elles sont bien trop éloignées pour des escargots. Les oiseaux du souci, la fille d'acier, oui tout en poésie, la chanson du geôlier. Allez! Sous cette pluie de fer, un jardin de fleurs, un monsieur décoré de la Légion d'honneur. Et la fête reprend, et la fête continue. Il y a là un monde fou de personnages incongrus, ouais, ouais. La cigale a déchanté, mais pour qui je me suis pris? Une hyène ou bien une pie? Y a toujours un minotaure qui n'a pour seule gloire de frapper son droit, d'autant à la mémoire. Ce sont un peu, je vous avoue ma foi, que les tripes animaliers, non, ça n'est pas trop pour moi. Et si le petit ramoneur peut aimer la bergère, il n'y a bien que Prévert qui peut nous le compter. Quant à nos escargots, ils en resteront là. Tous deux sont bien penauds. Tous deux sont bien. Il regarde la météo. Bonsoir Annecy, ça va? deuxième pièce de Sème ta zone. À la chance au coureur, elle s'appelle Les Escargots. Ça vient de l'album Trafic Intense. Maintenant, on passe à un autre artiste. Il s'appelle Jocelyn Bérubé. Tout de suite. Avec Rêve de sa vie, de l'album Le Retour de Neil. À la chance au coureur. T'es parti pour chercher un pays au paradis. T'es revenu, les ailes disparues comme un ange déchu. Par ici, le béton coule à flot sur ses moutons. File de la peine que vienne le temps des réveillons. Vous êtes à Sifu, 89 FM, la seule radio musicale. Thank you. C'est la chance au coureur des bois. C'est fou, 89 FM, on vient d'entendre Jocelyn Bérubé avec l'album Le Retour de Nil et la pièce qui se nomme Le Tablier du Maçon. Hein, à la chance au coureur, regardons un petit peu c'est qui ce Jocelyn Bérubé. C'est une réédition de ses vinyles Nil en ville qui date de 76 et La Bonne Aventure qui date de 1980. Poésie et contes musicaux à force d'âme, dit le document de presse que je lis en ce moment. La mémoire comme arme de survie, 30 ans sans vieillir d'une ligne, d'une partition. Reprendre le territoire, habiter l'histoire, voici la proposition de Jocelyn Bérubé avec Le Retour de Nil. Réalisé par Pierre Flynn, ces deux albums témoignent de l'avant-gardisme de ses créateurs. Les thèmes abordés évoquent l'aspect contemporain, l'arrogance américaine dans L'Oiseau couleur du temps ou l'intolérance face à la différence, à l'inconnu décrié dans Tuyau grand champ. Les pièces musicales et les textes, en plus de trouver leur source aux confins de notre tradition, explosent dans le présent et tirent un trait d'union vers l'avenir. Ce poète de l'ordinaire, qui est Jocelyn Bérubé, fait partie du paysage artistique québécois par le théâtre, le cinéma, la musique et le conte depuis plus de 3 décennies. Et c'est des mains de Yves Lambert qu'il recevra lors du lancement le prix L'Aldor, soulignant son implication et sa contribution au patrimoine musical québécois. L'album Le Retour du Nil, de Nil, disponible dès maintenant. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, passez par le unechance.com, le site de l'émission. Je vais poster plus tard toutes les informations que vous méritez. Parce que vous travaillez fort à écouter La Chance au coureur tous les vendredis matins à 10h et les samedis et mardis à 14h. Maintenant, déjà terminé pour le francophone. C'est le fun, comme ça on a juste 2 albums de francophones cette semaine, ça arrive une fois de temps en temps. On continue avec de l'anglophone alternatif, voici la formation Lapco avec l'album Scandal et la pièce A Month Among the Years. À la chance au coureur! Deux pièces de l'artiste finlandais Lapko. À la chanson coureur, on vient entendre la pièce The Arms. Et juste avant, c'était A Month Among the Years. Donc, Lapko, parlons de ce Lapko, artiste d'alternative rock de Helsinki en Finlande. Son slogan, c'est Leather Forever, cuir pour toujours, à jamais. Les membres du band Malja à la guitare et la voix, Nordberg à la basse et Iconen à la batterie. Si vous voulez plus d'informations sur le groupe, voir un vidéoclip de, je crois, la pièce Killer Whales et voir les spectacles qu'il va faire partout en Finlande et à d'autres endroits avec des noms très difficiles à prononcer pour moi, mais quand même. C'est sur son MySpace, au myspace.com/lapko et la PKO, ou encore son site officiel sur le lapko.com. Maintenant, on passe à un autre artiste, Big Attack, avec l'album Do the... Non, c'est ça, c'est leur album qui s'appelle du même nom, Big Attack. Mais sur le côté, c'est « Do the things you want come in boxes ». Est-ce que les choses que tu veux viennent dans des boîtes? Bonne question, et voici pour peut-être répondre à cette question, la pièce « Forward » à la chanson coureur à la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est Fou 89.1 FM, la radio la plus impressionnante au monde. Train killer. Policymakers, oceans away. Now face to face with a young man just like me. A man with no answers who only wanted to make the people who loved him proud. Picked up a weapon for his nation, but he couldn't pull the trigger quicker than me. You give me no reason to spill his blood. Yeah. Retour plus de Big Attack et de Junior Varsity à la chance au coureur. We'll be right back. keep us apart. Big Attack à la chance au coureur avec plusieurs pièces de l'album le plus récent. Donc, on a entendu dans l'ordre Forward, Do the Things You Want, Come in Boxes et finalement Keep Us Apart. Leur album est éponyme. Big Attack est un groupe de punk, post-punk indie de Philadelphie en Pennsylvanie aux États-Unis. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir le bigattack.tv. Parlons un petit peu des membres. Tiens, Chris à la new guitar, Michael Motorcycle à la bass et aux backups, Matt the Baptist à la batterie, Russell Horse Catcher à la voix et la guitare, et finalement Freddy Fingers à la old guitar. Hein, quand même. Il va être en spectacle partout à travers les États-Unis. On parle du Massachusetts, du Connecticut, la Caroline du Nord. Il y a un paquet d'endroits comme ça. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi aller voir le myspace.com/bigattack. Il y a quelques petites critiques de différents journaux et tout là-dessus. C'est un de mes albums préférés depuis le début de l'émission. Ça fait seulement une petite quarantaine de minutes, mais quand même, les choses vont très bien. On passe à un autre groupe punk. L'autre, tantôt, était un groupe alternatif, mais quand même, celui-là, punk. The Junior Varsity avec leur album Cinematographic. Voici la pièce de Sky à la chance. Au courant. Diet, I know I can, but it's not enough to numb the pain. But when the sky drops falling down and I pick up bodies, return to the ground. There's voices from all around, but we don't make a sound. So if this is the émergente. look of it, it seems to kind of blew it. Well, how could I grow tired of being useless? When the more I work, the more I seem to lose it. This could be the life inside of you. Varsity avec deux pièces de leur nouvel album Cinematographic. Deux pièces donc de Sky puis St. Louis qu'on vient tout juste d'entendre. On va se gâter avec une troisième pièce, mais avant parlons un petit peu de The Junior Varsity, un groupe de rock alternatif américain qui vient de Springfield dans l'Illinois. Ils se sont formés en 2002. En fait, c'est le guitariste Andy Wildrick qui a formé le groupe. Le groupe a enregistré cet album en décembre 2006 ou a terminé à la conclusion de leur tournée en 2006, voilà. Et l'album est sorti depuis il va sortir dans quelques jours, le 19 juin 2007. Et sur leur myspace.com/TheJuniorVarsity, on dit que les membres sont Andy à la guitare, Asa à la basse et à la voix, Chris à la batterie, Sergio à la guitare et Nick au clavier. Il va être en spectacle partout, au Texas, en Illinois, Chicago. Je répète un petit peu des états, mais c'est pas grave. Et dans le Wisconsin, allez voir myspace.com/TheJuniorVarsity ou encore leur site sur TheJuniorVarsity.com. Voilà, donc je disais qu'on se gâterait avec une troisième pièce. Et comme je ne mens jamais, la voici tout de suite et c'est la pièce titre. Voici Cinematographic à la chance au coureur sur CFOU 89.1 FM. drive, or better off to drive on. I'd stop tossing and turning, it's almost my turn to drive. Faut mettre l'accent sur la bonne syllabe du mot si tu veux bien prononcer en anglais, c'est le truc. De la formation de Junior Varsity, on enchaîne avec la formation Flashlight Brown de leur album Blue. Voici la pièce Sicker à la chance au coureur. C'est une deuxième pièce de Flashlight Brown avec leur album Blue. Elle s'appelle Fake It. Et faites semblant d'aimer ça si vous aimez... Fake It, non? OK, bye. Found myself girls always found a way to make me come unhinged again. And so I started to think that I'd do much better just to drop out of sight, disappear forever, 'cause I knew she would be pissed when she finds out I exist. It was love, but I couldn't fake it. Plus de Flashlight Brown et Squad à la chance au coureur. Woke up in the morning with a headache and the heat. Stinking of tequila and the flavor of defeat. Watching Dr. Phil dismantle someone's fear and doubt. That obnoxious doctor thinks he's got me figured out. But hey, what do you care? I never was what you want. I get the sense you think that I am something of a slut. Think it's time that maybe I should go and get a job. Tell you all about the admiration I command. Well, how I'm gonna make $1 million with the band. But hey, what do you care? I never was what you want me to be. So I'll just have another beer to calm the nagging and the mess. And though I trap myself inside all day to dodge the sunny weather, for a fraction of a second all the fragments come together. But hey, what do you care? I never was what you want me to be. Just how every awkward evening ends. Dinner out at Susie's, conversations with your friends, asking them the questions I know everybody does. Like if I was retarded, would I even know I was? But hey, what do you care? I never was what you wanted me to be. And sure, I drag you down, but I'm not sorry. I soil your crown, but I'm not sorry. You move her, you shake her. Well, I'm not sure. I'm not sure. Les trois premières pièces du nouvel album de Flashlight Brown qui s'appelle Blue. On entend dans l'ordre Sicker, ensuite Fake It et maintenant c'était I'm Not Sorry. Flashlight Brown, un groupe de rock punk de Toronto en Ontario. C'est un groupe canadien. C'est du punk. Vous pouvez aller voir le flashlightbrown.com et voir les vidéoclips pour Sicker et Ready to Roll et entendre des pièces comme Sicker, Not Sorry et plusieurs autres sur le myspace.com/flashlightbrown. Leur vidéoclip Sicker est en rotation sur Much Music et sur Much Loud. Je ne sais pas si loud que ça, mais que voulez-vous, c'est rendu comme ça. Donc l'album s'appelle encore une fois Blue. Allez voir flashlightbrown.com. Maintenant, le dernier album de punk et le dernier album d'anglophone, ou la catégorie qu'on appelle anglophone. Tantôt, on va passer à de la musique canadienne, mais pour l'instant, le groupe qu'on s'en va entendre s'appelle Squad. Hein? Squad, beau petit nom, S-K-W-A-D avec des points entre chaque. Leur album s'appelle Big Mono et voici la pièce What Do You Want? Qu'est-ce que vous voulez? À la chance au coureur. C'est ça que vous voulez. Je vous connais. C'est comme si vous avez tricoté. deux pièces de Squad, de leur album, ou plutôt leur maxi Big Mono, c'était Pressure, précédé de What Do You Want, à la chance au coureur. On aura droit à une pièce bonus tantôt, mais avant, parlons un petit peu de ces gens de chez SKWAD avec des petits points. Squad est un groupe de rock, punk, mélodramatique, popular song. Hein? Leur album Big Mono est disponible sur iTunes. Ils viennent de Cardiff, Wales, au Royaume-Uni. Les membres sont Todd Campbell à la guitare et la voix, Mike Cox à la basse et la voix, Dan Campbell à la batterie, au cymbale et à la voix. Ah ouais. Leurs influences, rock and roll from around the world, donc le rock and roll de partout dans le monde. Le band a évolué de Psycho Squad, qui était un ancien groupe comme ça. Donc c'est les membres du groupe, je le disais tantôt, Todd et Dan sont frères. Hein? C'est deux frères. Todd était dans Psycho Squad. Dan Campbell dans Sad Mike. Mike Cox dans Psycho Squad. Leur premier album, The Dead Still Dance, de 2006, a été bien coté par des publications telles que Kerrang. Ils ont souvent été comparés à des bands telles que Ruben et Therapy, Helmet and Filter. Voilà. Et leur nouvel album de 6 pièces est produit par eux-mêmes. Self-produced. Big Mono, c'est en magasin depuis le 2 avril. Voilà, vous pouvez aller voir et entendre Squad au www.myspace.com/squad ou encore sur leur site web au squadrock.com. Voilà. On écoute une dernière pièce de leur part. Tout de suite, voici Fire in the Sky à la chance. Au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous à la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est Fou 89.1 FM. Moving fast, you can pass, nothing lasts. troisième pièce de Squad de leur album Big Mono. Maintenant, on enchaîne avec notre prochain artiste, c'est-à-dire le groupe canadien Fort Pierre, Organ Farming. Voici Angels on Horseback. À la chance au coureur. In 1956, upon the king all eyes were fixed. The perfect game was pitched, both season and Eisenhower backed the big scheme, touted by petroleum, General Motors, Firestone, all aboard to bind the nation whole from Florida to Washington. Out the chutes of paper file, 24,000 miles, 38 from Topeka's huge shining across the hills and plains, landing strips and shipping lanes, evacuation routes and engines of economy. Cutting through the urban sprawl, filling stations, shopping malls, easier to get to when the buses run all day. Isolated neighborhoods, dependence on imported goods. The taste of these bananas makes me want to get away. Angels on Horseback de Fort Pierre. Voici une deuxième pièce, Employed. Leur album s'appelle Organ Farming et vous, vous écoutez la chanson coureur au 89.fm, la radio campus de Trois-Rivières. Thank you. The short thing is the short body of the Buddha. The long thing is the long body of the Buddha. I don't think that anybody can make a case that I haven't been patient, real patient. Maybe more than I should have been, but I believe in a pecking order. And I believe in seniority. And I believe that I'm onto a couple of things that perhaps elude those friends of mine that I no longer have any time to see. I understand that a lot of them are seeing shrinks, which I think is hilarious because all I see is growth. The rich getting richer, poor getting poorer. I'm more myself than ever and I hate them both. The middle class is rich. I've served. I will get what? Get what I deserve. I will get what? Get what I deserve. I will get what? Get what I deserve. Je vais être honnête et je vais avouer que je m'attendais pas à quelque chose de bon quand j'ai pris l'album dans mes mains. C'est Fort Pierce avec Organ Farming et j'ai vraiment aimé ça. C'est Angels on Horseback, la première pièce, et on vient d'entendre Employed. Ça me fait penser à Bare Naked Ladies, Zooli and the Blowfish, quelque chose du genre. Donc c'est Fort Pierce, pop punk, classical, progressive, dit-il lui-même. Ça vient de Toronto en Ontario. Son site web est au sixshootrecords.com ou encore myspace.com/FortPierre. Vous pouvez entendre des pièces dont All Fall Together, Snakes, The Sound I Made, des pièces qui ne sont pas sur l'album qu'on a reçu, qui est un maxi de seulement 6 pièces, malheureusement. Ça dit dans la biographie qu'un album de 12 pièces qui s'appelle Adventurism va sortir cet automne. Plusieurs des chansons de cet album-là, du maxi, vont être sur l'album Adventurism. J'ai bien hâte de recevoir ça à la Chance au coureur cet automne. Maintenant, moment de l'émission que j'attendais, on a reçu une demande spéciale. C'est rare qu'on reçoive des demandes spéciales et c'est rare qu'on peut les accepter parce que, bon, vous savez, la Chance au coureur, c'est l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous, donc ça doit être des choses nouvelles. 011, qui est l'artiste qu'on va entendre, le groupe, c'est pas tellement nouveau. On a déjà passé la Chance au coureur, mais la pièce est tellement courte que je vais faire plaisir aux gens. Comme ça, je vais lire le courriel même. J'aurais pu sauter les bouts qui me complimentent, mais pourquoi pas les lire? Je cite. Je viens de me rendre compte à quel point tu faisais partie intégrante de la grille horaire de C'est fou. Ça fait 3 jours intenses que j'écoute juste ça et t'es là pas mal souvent. Pas que c'est une mauvaise chose, au contraire, c'est vraiment cool ce que tu fais. Hein? C'est comme un poème, t'sais. J'aurais une demande spéciale pour ton show de la Chance au coureur de cette semaine, vendredi le 15. Je sais que je suis en retard, mais tu as reçu le single de 011 il y a quelques semaines déjà et j'aimerais bien l'entendre si possible. C'est un groupe sur lequel j'ai vraiment accroché à la seconde qu'ils ont fait un show au Nord-Ouest Café avec les Georges Leningrad plus tôt cet hiver. Et depuis, j'ai été voir tout, où il met en parenthèse 2, leur spectacle à Montréal au Zoo Bizarre, petite salle de spectacle pour 30-40 personnes gros max dans un ancien grenier en pierre. Présentement, ils sont en tournée en Colombie-Britannique et sortent leur premier album au cours de septembre ou octobre cette année. Vous voyez, on apprend des choses sur 011. C'est Joshua Gaumont-Lacerte qui nous a envoyé ce courriel-là et je le remercie. Si vous avez des demandes spéciales qui ne sont pas originaires du groupe lui-même, parce que ça se remarque. Voici 011. Envoyez-les par courriel sur unechance.com. www.unechance.com. Dans la section Contactez-nous, voici Clark et Park de 011 à la Chance au coureur. formation québécoise 0-1 avec Clark et Park. Et maintenant, on retourne à nos nouveautés. Voici The Water Street Project et Heart à la chance au coureur au 89.1 FM. Lego blocks and model cars seem so far. And all those men are standing in my backyard. Frosty knows we couldn't feel our toes no more. Long rides home so far from where you are. So this new year, where did you take your car? Retour plus de The Water Street Projects et People for Audio à la chance au coureur. Pièce de The Water Street Project à la chance au coureur. On a entendu la pièce au début Heart et ensuite To Eat the Call. Leur album s'appelle Here Fishy Fishy Fishy. Hein, quand même, il est un petit poisson, petit poisson. The Water Street Project, c'est un groupe de indie grunge psychédélique fabriqué au Canada, USA. Hein? C'est marqué Made in Canada, USA. Donc voilà, de Erin, Ellsberg, Flint, Saginaw et Guelph au Canada. Les membres du groupe, en fait, il y en a un seul, Adam Sturgeon. Vous pouvez le retrouver sur MySpace au / Familiar Fish ou encore sur GarageBand.com. Band.com/artist/Lost River. Il va être en spectacle un peu partout au Canada, mais pas au Québec, malheureusement. Et puis voilà, l'album sort le 15 juin, donc aujourd'hui, si vous écoutez en direct le vendredi matin. Voilà pour The Water Street Project. On continue avec une autre formation qui s'appelle People for Audio. Leur album s'appelle The New Ancients. Et voici tout de suite, à l'instant même, la pièce Carlos à la Chance au Courant, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. À C'est Fou 89 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. Et apparemment, on se retrouve dans 9 minutes. C'est long des fois, mais vous allez surprendre. We'll be right back. L'album The New Ancients de la formation People for Audio à la chance au coureur. On vient d'entendre la pièce Carlos, la pièce qui ouvre cet album. Une très longue pièce, mais très bonne pièce du groupe montréalais de two-step punk techno. Oui, donc ils viennent de Montréal au Québec. Les membres sont Keiko Devo au piano et à l'orgue, au synthétiseur, Curtis Stone à la guitare, bass, banjo, Rhodes, Mellotron, synth, percussion, Bill Eselec à la batterie aux percussions, Adam Fiore à la guitare, lap steel, vocals, banjo, et Scott Lewis aux projections, à l'imagerie, et Alex Formosa à la guitare et la bass. Influence Steve Reich, Pink Floyd, Slint, Yes, King Crimson, Stravinsky et plusieurs autres. Et même sur la petite étiquette apposée à l'avant de leur album, ça dit une autre belle addition. Montréalais, c'est ça? Non, c'est bien. Ça dit, que ça va jusqu'au grandiose, chef-d'œuvre du psych rock. Wow, quelle belle traduction, c'était vraiment n'importe quoi. Donc, People for Audio, leur album, encore une fois, c'est The New Ancients. On saute à une autre formation que j'aime bien. Elle s'appelle Au Bijou. Et voici de leur album Swift Feet for Troubling Times, la pièce Saint Francis à la chance. Au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. À C'est Fou 89.1 FM. Est-ce que j'ai dit que j'aimais ça? Ben, je vous ai menti parce que j'adore ça! La formation Au Bijou, voici une deuxième pièce de cette formation torontoise. Elle s'appelle Steep, à la chance au coureur, et on parlera d'eux au retour à C'est Fou 89.1 FM. Formation torontoise avec deux pièces de leur nouvel album Swift Feet for Troubling Times. On vient d'entendre la pièce numéro 10 de l'album Steep et juste avant c'était la troisième, Saint Francis. Au Bijou qui est un groupe de indie folk rock pop, encore une fois de Toronto. Les membres sont Casey Messia, Jennifer Messia, James Bunton, Ryan Carley, Heather Kirby, Anissa Hart et Andrew Kinoshita. Voilà. Vous pouvez aller voir le aubijoux.com, ohbijoux.com ou encore myspace.com/aubijoux. Vous allez pouvoir voir qu'ils sont en spectacle un peu partout au Canada, Manitoba, Saskatchewan, Ontario, mais pas au Québec, en tout cas pas dans le futur rapproché. Sur la MySpace, vous pouvez entendre des pièces dont Saint Francis, dont Steve, mais aussi Anabacus et Misty Eyes. L'album, selon moi, est très très bon et c'est un des seuls qui a eu un cœur jusqu'à maintenant sur ma petite feuille de route. Comme ça, à date, il y a un cœur pour Ford Pier et un cœur pour Au Bijou. Le coureur de la semaine sera couronné d'ici une heure environ. Maintenant, on écoute une autre artiste canadienne qui est, ma foi, plutôt jolie. Hein? Allez voir sur son MySpace, myspace.com/ Teresa Sokirka. C'est son nom, Teresa avec un H, évidemment. Et Sokirka, S-O-K-Y-R-K-A. Là-dessus, il y a des photos, il y a des pièces, dont Waiting Song, celle qu'on semble entendre, Falling Out, Yours is Yours. Et la seule membre du groupe, c'est elle. Elle fait la voix, elle fait la guitare, ça a l'air acoustique. Évidemment, on n'a pas entendu l'album à l'avance parce que c'est l'idée de la chanson coureur. Mais bon, c'est un risque que je suis prêt à courir. Voici Teresa Sokirka avec Waiting Song à la chance au coureur. Et il y a un vidéoclip disponible pour la pièce sur son MySpace. Allez-y maintenant. Je vais vous attendre. Nathan Wiley et The Be Good Tanyas. Soyez gentils et restez là à CIFU 89.fm. You show me to play. never been, and I plan to stay for some time. Scattered pasts have placed us here, quicker lives and younger years. My soul is awake with a heart that won't break, and I hope that you'll stay for some time. Blow through my hair with your gentle words. Feed me timeless wisdom all night. I feel your energy all for some time. Oh, oh, oh. Take me to the river bend. Take me wherever you want, 'cause you show me to places I've never been, and I plan to stay for some time. Plan to stay for some while. Deux pièces du nouvel album de Teresa Sukerka, Something is Expected. On a entendu Wedding Song et juste là, c'était River Band. Hein? Teresa Sukerka, artiste pop folk canadienne. Elle fait la voix et la guitare sur cet album. Son site web est sur le teresasukerka.com ou myspace.com/teresasukerka, S-O-K-Y-R-K. Ça dit sur son MySpace que vous pouvez voter pour le vidéoclip de Wedding Song sur Much More Music pour le top 10. Ça dit que c'est son deuxième album, Something is Expected, et c'est un album qui parle d'elle. Donc, elle a écrit les chansons, elle a payé pour l'album, elle a choisi les producteurs et elle n'aurait jamais fait ça autrement. Elle dit « C'est l'album de ma vie. Et si celui-là ne fonctionne pas, je démissionne. » Elle a 25 ans. Jeune fille un petit peu mélodramatique. Ouais. Donc, Teresa Sukerka, ça fait le tour de ça. Maintenant, on passe à Nathan Wiley. Son album s'appelle The Dist City Destroyed Me. Et voici la pièce titre à la chose. Au coureur, à C'est Fou 89.1 FM, la radio la plus impressionnante au monde. Hein? Let me out. Ah, quelle belle petite fin à la pièce North American Dream de Nathan Wiley. On enchaîne avec un autre groupe canadien. Canadien, si vous voulez. Voici The Be Good Daniels avec Human Thing de leur album Hello Love à la chance au coureur. Aimez ça plus que moi. Hein? The Be Good Tanyas. L'album s'appelle Hello Love et c'était la pièce Human Thing à la chance au coureur. Un groupe de folk country soul, vous l'aurez sûrement remarqué, un groupe canadien. Donc les membres sont Sam Parton à la guitare, mandoline, banjo, piano et voix, Frazee Ford à la guitare et la voix et Trish Klein à la guitare, banjo, harmonica et voix. Leur site web est sur biggoodtanyas.com ou encore myspace.com/de. Be Good Tanyas, Tanyas avec un Y et évidemment un S à la fin. Ils vont être en tournée un petit peu partout aux États-Unis et au Canada, surtout en Colombie-Britannique. Allez voir le MySpace pour en savoir plus et écouter des pièces dont Human Thing et Mom Song si c'est quelque chose qui vous intéresse. Hein? Parce que c'est pas moi qui vais y aller. Donc, on continue avec un autre groupe canadien qui a l'air, lui aussi, un petit peu particulièrement... je sais pas, il y a sûrement un qualificatif pour ça, mais je le trouverai peut-être plus tard. Voici donc Harry Manx et Kevin Bright avec leur album In Good We Trust, la pièce I'm on Fire à la chance au coureur. Et je vous rappelle la hotline de C'est fou si vous voulez nous rejoindre en studio les vendredis matins en direct pour soit enlever une pièce ou dire que vous l'aimez. C'est le 819-376-5183, 819-376-5183, ou allez nous écrire en courriel sur le unechance.com. Chose. Un ordinateur quoi, Mathieu? Un ordinateur! Ah, parce que les autres, ils n'ont pas de MySpace, ils savent pas c'est quoi. Non, c'est ça, c'est pas leur style, ça, pas en tout. Harry Manx et Kevin Bright, leur album s'appelle In Good We Trust. C'est une analogie de café un peu partout. Ça dit genre New Blended, Supreme Quality. Non, je pense que c'est des cigares même. Air Condition Ready to Smoke, c'est ça. Cigare. Enfin, c'était country. Ça fait deux albums country de suite. Hein. C'est pas toujours facile, la chance au courant. T'es exprès pour toi, Mathieu. Hey, aujourd'hui, quelle journée où il n'y a pas grand musique que le fun à écouter. C'est vraiment une journée mollo. En tout cas, quand même, on a eu du bon, dont Au Bijou, qui va peut-être à date être mon coureur de la semaine. Mais bon, il nous reste bijou. Encore Au Bijou. Au Bijou. Au Bijou. Au Bijou. C'est comme une exclamation. Mmh. Il nous reste dans la pile de Canadian, c'est-à-dire la musique que d'habitude je saute un petit peu par-dessus. Il nous reste seulement deux albums. Donc, on va vous les passer de suite pour ensuite enchaîner avec de l'électronique et du jazz, du Latin jazz. Donc, restez là pour ça. Ça va être fort, hein? C'est du poutou maillot encore. Donc, on enchaîne tout de suite. Voici une pièce de Billy Clippert avec son album Naked and the Simple Truth, la pièce Going Under à la chance. Au coureur. We'll retour, G. Turner, du Latin Jazz, du techno et Edith Butler. Oh yes, à la chance. Oh Butler. Avec l'album Seventh Nursery Broadcast et la pièce Crunch à la chance au coureur. Hein? C'est avec du riz soufflé, ce crunch. C'est bon, j'aime bien. Très bon. Donc, disons que le Canadien cette semaine, c'est un petit peu standard. Hein? C'est pas génial. Mais en tout cas, donc, G-Turner, Indie Hip Hop R&B du Canada. Vous pouvez aller voir le myspace.com/G-Turner. Ou encore myspace.com/ATCQ. Il n'y a vraiment aucune information de plus là-dessus, mais vous pouvez aller entendre des pièces dont Crunch et Taster's Choice sur son MySpace à G-Turner. C'est beau, hein? Taster's Choice. Vous êtes à la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous, avec Danny Janvier et Mathieu Plante. Oui, un peu mieux. Oui. Prochain album, c'est Putumayo Presents Latin Jazz. On reçoit du Putumayo assez fréquemment. Ben, un petit peu, hein. Un par semaine, genre. Ou deux semaines, maximum. Si on fait une moyenne sur l'année, c'est au moins plusieurs par mois. Donc, Latin Jazz est le dernier qu'on vient de recevoir. C'est des rythmes afro-cubains, jazz, qui se rassemblent dans cette... Je crois qu'il y a quelque chose écrit en français quelque part là-dedans, mais en tout cas... C'est sûr qu'il y a un livre en français. Une collection des maîtres du Latin Jazz. On va écouter, tiens, une pièce qui vient de... Pays au hasard, mettons... Cuba, j'aime ça, c'est bon. On va l'entendre, un homme qui s'appelle Chico Alvarez. Oh. Avec une très longue pièce, par exemple. C'est pas. La clavée, Maraca Iguero du Cuba à la chambre. Au courant. Et on revient dans 8 minutes. Bon. Au moins, on va s'amuser. Et de l'électronique, tantôt, un petit peu d'électronique. Ben cool, non, je ne pas des trucs. C'est quoi le nom de l'artiste tantôt d'électronique, tout ça? C'est vrai, il y a quelque part, Legion of a Green Man. Ah, là. Les gens des bonnes verts. Ah! Les gens of green. Les gens des petits bonhommes verts. C'est vrai. Non, je sais que je vais m'ennuyer du monde pendant cette vidéo. On revient dans le verre. Ouais, mais t'as quoi, ça, je te dis? C'est pour Denis comme nous, la pièce. Ah oui, Denis comme nous. Kiko Alvarez avec la clave maraca y guiro, ou plutôt il y a même une prononciation Chico Alvarez, la clave maraca y guiro. Voilà. Donc même si Chico Alvarez est à la tête de groupe de son cubain ou de Latin Jazz depuis les années 70, il est certainement plus connu pour son émission de radio du dimanche après-midi sur WBAI à New York, un rendez-vous éminemment respecté. Passionné d'histoire de la musique, graphiste et producteur de documentaires radio, Alvarez est aussi un chanteur, arrangeur et leader de groupes talentueux qui a mené d'une main de maître moult groupes latino-populaires, tous basés à New York. Né à Brooklyn de parents cubains, Chico fit le chemin inverse de bon nombre d'immigrés en se réinstallant à Cuba alors qu'il était encore enfant. Son éducation fut alors bercée par la musique foisonnante que l'on peut entendre dans les rues et les clubs de l'île. Il décida de revenir à New York à sa majorité. Les arrangements mélancoliques de Chico et ses chants suaves ont fait de lui l'un de nos artistes préférés. Ça, c'est Putumayo, évidemment, qui raconte ça. C'est d'ailleurs la troisième fois qu'on le retrouve sur l'une de nos compilations. La clave maraca y grillo, ou quelque chose du genre, fait allusion aux trois principaux instruments de percussion qui servent de base à la plupart des chansons afro-cubaines, c'est-à-dire les claves, deux baguettes de bois qu'on frappe pour produire des cliquetis aigus, les maracas dont le son est produit au moyen d'une gourde vide ou d'une coquille en plastique ou en cuir que l'on emplit de grains et dont on joue généralement par paire, et le guiro, une gourde séchée et dentelée que l'on frotte à l'aide d'une baguette pour produire un schéma rythmique entraînant. Voilà donc la compilation de Putumayo Presents Latin Jazz. Vous pouvez retrouver un paquet d'informations en français, en anglais et en espagnol à l'intérieur de chacun de leurs livrets. Et c'est des CD qui sont très faciles à trouver en magasin. C'est très, très populaire. Il y a d'autres titres, dont Putumayo Presents Colombia, Mexico, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Nouvelle-Orléans et un paquet d'autres affaires comme ça. Des artistes qui viennent de Cuba, des États-Unis, de l'Islande. C'est pas mal tout. Dans le fond, c'est pas mal de ces endroits-là que ça vient partout sur l'album. Donc, Putumayo Presents Latin Jazz. Maintenant, on enchaîne avec un album d'électronique, le seul de la semaine. Voici Legion of Green Men avec la pièce-titre de leur album Back on Track à la chance au coureur à C'est Fou 89.fr. Legion of Green Men avec la pièce titre, la première pièce de Back on Track. Et ce qui est spécial, c'est que c'est Back on Track avec des Q à la place des CK. Puis après, ça continue avec les titres Backup, Blowback, Dubback, Cutback, Rollback, Kickback, Slowback et Tug to Nug. Et ça, c'est la deuxième pièce. Voici Backup. À la chance. Oh, Backback. Oh, Backback. C'est un animal, ça. Ouais, ouais. Snapback. Ça portait à confusion. Snapback. T'as besoin d'un abac. Non, ça marche un abac. Ben, je vais me coucher ouais. Cet après-midi dans mon abac. C'est ça. Green Man avec Back Up à la chance au pouvoir. On continue en écoutant la pièce Blowback. On va parler un petit peu du groupe Legion of Green Man, si ça vous tente. C'est du ambient dub electronica, vous aurez peut-être remarqué. C'est un groupe de Toronto en Ontario qui existe depuis 91. Les membres sont Lexifer in Twilight Selectaru, Wobbly Brown, Cedric, Rosa, Polly, Adolphe. Est-ce qu'on a leur mets préféré? C'est ça, ouais, c'est les Zoodles. Oh! Les petites nouilles en canne en forme d'animaux. Chaque membre, ils préfèrent les Zoodles. C'est ça. OK. Ils se font un gros chaudron de Zoodles. Est-ce qu'ils ajoutent une petite tache de fromage jaune là-dessus? Ça, j'avais pas fait ça, moi. Ah, ouais. C'est OK, fromage jaune, ben, regarde. Ouais, du plastique, là. Ouais. C'est ça. Ça sert aussi pour coller un tapis. Quel filtre les fenêtres aussi. Legion of Green Men, donc petit groupe comme ça canadien. Vous pouvez entendre leurs pièces, dont Dubac, Beyond the Borderless et un paquet d'autres sur myspace.com/LOGM pour Legion of Green Men. On s'en va entendre, comme je disais. Il y a la recette aussi, là, des udons au fromage. Ouais. Aussi. Pour faire votre propre fromage, même en tranche. Blueback de leur album Back on Track à la chance au Zoodle. Oh, t'as chelé. Green Man avec la troisième pièce de leur album Back on Track qui s'appelle Blowback. Ouais. Bien sûr, je comprends pourquoi. Hey Danny. Oui. C'est la fin de la chanson coureur pour cette semaine. Non! C'est l'heure de couronner notre coureur la semaine et cette semaine j'ai choisi Au Bijou avec Swift Feet for Troubling Times. On va entendre une dernière pièce de ça, c'est génial Au Bijou, c'est très très bon. Pour ça un single de ça? Je sais pas, c'est bon, ça me semble la prochaine a dit quoi? C'est un peu dans le style de Malajube, Trico Machine, genre de choses qu'on aime et qui vont être tous à l'heure vocale à Trois-Rivières cet été. On regardait la première. Avec Edith Butler. Avec Edith Butler, évidemment, faudrait pas l'oublier. Donc, avec un featuring Edith Butler avec les trois accords, ça va être featuring. Donc, on va se quitter avec une pièce de Haut Bijou qui s'appelle Alabacus, la 9e de l'album, pendant que je remercie Danny Janvier d'avoir passé quelques minutes avec nous. Ah, c'est trop, c'est trop. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo, les jeudis, samedi et mardi à midi, dans les Palmarès C'est fou, les vendredis soirs à 17h et les jeudis à 14h. La chanson coureur est en direct les vendredis matins à 10h et en rediffusion les samedis et mardis de 14h à 17h. Et tous les jours de minuit à 17h. C'est à peu près ça. Pour toutes les informations sur l'émission d'aujourd'hui et pour télécharger la balade de diffusion, allez voir le www.unechance.com. Restez à l'écoute parce que Rock Classique avec Alain Lefebvre suit dans quelques minutes si vous écoutez le vendredi. Sinon, restez là pour la dernière porte à gauche. De la part de Danny Janvier et de moi-même Mathieu Plante, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance.